Je me lève et je mets dans mon café deux ou trois larmes pour le salé. Rien de nouveau dessous la porte sauf un billet pour la mer morte. À la radio, on ne parle pas de toi. Et dans la glace, on ne voit que moi. Vomina, vomina, t'as laissé bien trop de place chez moi. T'as laissé trop de traces sur mes doigts, sur mon piano et sur mon cœur. Vomina, vomina, sur mon piano et sur mon cœur. Je ferme et je descends l'escalier. Je tends comme un bâton pour mes sangs. Mon pilote et sans ma voix, je risque bien de m'écraser. Dans les journaux, pas de mots sur toi. Mais dans l'orage, on ne voit que moi. Vomina, vomina, t'as laissé bien trop de tâches chez moi. T'as laissé trop de traces sur mes doigts, sur mon piano et sur mon cœur. Entraîne dans des drôles de pensées. À mon ciné, une photo de toi. Mais à l'entrée, il n'y a pas que moi. Vomina, vomina, t'as laissé bien trop de place chez moi. T'as laissé trop de place sur mes doigts, sur mon piano et sur mon cœur. Vomina, vomina, sur mon piano et sur mon cœur. Sur mon piano et sur mon cœur. Vomina,